le dirigeant suprême Kim Jong-un fait l'objet de la vénération des amis étrangers. Le secrétaire général de l'Association d'amitié et d'échange culturel Indonésie-Corée a dit que Son Excellence M. Kim Jong-un est doué du génie idéologique et théorique en réunissant toutes les qualités de leader populaire, tout comme les leaders précédents, pour conduire lucidement le parachèvement de l'œuvre révolutionnaire Chuché. Le secrétaire général de la filiale à Karachi de l'Association d'amitié Pakistan-Corée a qualifié Son Excellence M. Kim Jong-un, auteur d'une grande prospérité de la Corée par ses grandes activités révolutionnaires, de génie de la création et de l'édification, alors que le sous-secrétaire général du comité central du Parti communiste tchécoslovaque a affirmé que grâce à la direction éclairée de Kim Jong-un, la Corée progressera dynamiquement sur la voie pour l'indépendance, le Sungun et le socialisme. Le président de l'Association d'amitié Danemark-République populaire démocratique de Corée a déclaré que Kim Jong-un est le commandant prestigieux sans pareil, doué des qualités et aptitudes militaires peu communs chez les commandants de l'époque contemporaine, et que grâce à lui, l'avenir de la Corée est infiniment radieux.